Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Gertrude Bell, la reine du désert. On avait l'impression qu'elle n'avait pas peur, et quand on écrivait à sa famille pour raconter ses exploits, elle disait « oui, j'ai été attaquée par une bande de brigands, mais je n'ai pas eu peur ». Elle était vraiment très, très téméraire. Archéologue, diplomate, espionne, Gertrude Bell reste probablement avant tout cette aventurière téméraire que décrit ici l'auteur Marie-Josée Simpson. Moins connue que son bon ami Laurence d'Arabie, Gertrude Bell n'en reste pas moins celle que l'on considère aujourd'hui comme l'architecte principal de l'État irakien né au début des années 1920. Son père était un grand industriel métallurgie du nord de l'Angleterre, donc proche de l'aristocratie. Le grand-père était baronnet, donc c'était une grande famille qui avait en effet des moyens, qui pouvait payer ce collège de luxe Oxford à leur fille. Et ensuite, c'est vrai qu'elle avait une pension tous les mois lorsqu'elle errait dans le désert lointain. Elle avait une pension, une rente. Donc, elle n'avait pas à se soucier de travailler, elle pouvait voyager. Il y avait également peut-être la chance d'avoir des oncles et des cousins qui étaient tous plus ou moins ambassadeurs, diplomates dans tous les pays du monde. Ça lui a facilité la tâche. Mais quand même, étant donné son tempérament, je pense que même si elle n'avait pas eu ces possibilités, elle aurait tout fait pour essayer de partir. C'était déjà cet esprit d'indépendance et cette curiosité. Elle avait un esprit très vif et très curieux. Elle voulait dévorer, la vie. Et donc, les salons... Évidemment, de temps en temps, elle était obligée, comme jeune fille de bonne famille, d'assister à un thé ou un bal. Elle ne le détestait pas, mais elle préférait vraiment les grands espaces. À nouveau, Marie-Josée Simpson, auteure de la biographie de Gertrude Bell, La Dame de Bagdad, au micro de Denise Bombardier à l'émission Le biographe et sa passion en 1993. Pour nous présenter ce personnage plus grand que nature de Gertrude Bell, mon invitée, l'historienne Évelyne Ferron. Évelyne Ferron, bonjour. Bonjour. On le voit en écoutant cet extrait. Bien sûr, Gertrude Bell, elle est issue de ce milieu de la grande bourgeoisie industrielle, mm-hmm. Mais c'est aussi et d'abord quelqu'un qui a énormément de force de caractère. Elle a cet esprit d'aventurière très, très développé. Tant et si bien que pour vous, c'est une espèce d'idole, Gertrude oui. Bell. Pourquoi? Oui. Parce que Gertrude Bell est une des premières à avoir pratiqué l'archéologie de manière scientifique. Donc ça, c'est quand même intéressant. On pense tout le temps que l'archéologie existe depuis le 18e, 19e siècle. Mais au départ, c'est plus des explorateurs qui font des fouilles n'importe comment. Gertrude Bell est une des premières à avoir vraiment géré des chantiers de fouilles de manière scientifique. Et c'est quand même elle qui a constitué le musée de Bagdad. Ouais. Donc, moi, je suis spécialisée en histoire ancienne. C'est elle qui a donné à l'Irak, qui a donné au Proche-Orient un lieu de mémoire de ces cultures antiques qui sont quand même le berceau des civilisations. Il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est son héritage. Avant l'Égypte, c'est son héritage. Puis je soupçonne qu'à toute la force de caractère, justement, qui vous séduit aussi, le personnage. Elle s'en laissait pas imposer. Elle aimait apprendre. Elle était à l'aise dans des milieux d'hommes et elle était respectée, même si elle était une femme, dans ces milieux d'hommes-là. Donc, ça, c'est super. Et mm-hmm. c'est une femme aussi qui n'hésitait pas à chevaucher dans le désert. Donc, moi, j'étudie le désert, donc elle est incontournable dans mes travaux parce qu'elle a fait des travaux de géographie, de géologie aussi, qui étaient super importants. Et elle n'hésitait pas, en fait, à aller là où personne n'allait. Et pour une femme de son époque, c'était exceptionnel. Donc, le jour où j'ai chevauché moi-même dans le désert, je vous jure, c'était elle que j'ai pensé. Je me suis dit, ça y est, maintenant, ouais. Je sais comment elle se sent. Aller là où personne n'allait, ça commence pour elle, c'est tout bête, mais ça commence en Angleterre, oui. À Oxford, parce qu'elle est diplômée d'Oxford. Ouais. On dit ça aujourd'hui, mais à l'époque, Évelyne Ferron, c'est un tour de force. Là. C'est plus qu'un tour de force. Gertrude Bell a 19 ans lorsqu'elle décide de faire des études universitaires à une époque où pour les femmes, on leur donnait le droit aux beaux-arts. Ça, c'était correct, mais sinon, les grandes études universitaires intellectuelles, comme on les appelait, étaient encore réservées aux hommes. On venait juste d'ouvrir des positions, un collège de femmes à Oxford, et elle est rentrée pour étudier dans les seules disciplines qui étaient ouvertes aux femmes, entre autres l'histoire. Elle est la première femme diplômée d'Oxford en histoire moderne. Et à l'époque, c'était tellement mal vu, les professeurs masculins étaient tellement fâchés d'avoir éduqué des femmes, que les femmes, dont Gertrude Bell, devaient s'asseoir sur la plateforme, en fait, où le prof enseignait, face au tableau, pour qu'elles soient dos au professeur et que lui enseigne aux hommes et ne les voit pas pendant qu'il enseigne. Il ne voulait pas voir ces femmes-là qui étaient... À leurs yeux, elles ne valaient pas la peine d'être éduquées. Et pourtant, Gertrude Bell, comme je vous dis, va donner naissance à la science archéologique. Ouais. Elle fait partie de ces personnes-là. Là. Et ça va commencer, de fait, tout de suite après son passage à Oxford. Elle a son diplôme en poche. Puis là, elle se met, elle est riche, elle a cette rente, mais elle a aussi cette force de caractère. Oh oui. Elle se met à voyager partout. Oui. Mais comme vous le disiez, elle ne fait pas que voyager de manière errante. Elle décide de vraiment travailler dans cette démarche scientifique. Elle devient une archéologue en bonne et due forme. Quel est son héritage sur ce plan-là, sur le plan de l'archéologie? On lui doit, en fait, des livres assez importants où elle va noter, en fait, bon, comment les gens vivent, mais aussi beaucoup, beaucoup de ruines, en fait, importantes. Gertrude Bell, là, est passée à partir de 1887. Là, on la voit se promener vraiment partout. Elle va aller à Palmyre où est-ce qu'elle a pris beaucoup de photographies. Elle avait avec elle un des premiers appareils de photos panoramiques. Donc, dans ses livres, on voit ça, là. Elle a pris en photo tous les monuments antiques. Aujourd'hui, la mosquée d'Alep est en ruine, mais Gertrude Bell avait pris une des photographies les plus belles qu'on avait jamais vues de cette mosquée-là. Elle a aussi documenté très bien tout ce qui était l'héritage de la Mésopotamie antique. Donc, elle a visité les sites assyriens, Nimrod, entre autres, qui aussi a été détruite, Ninive. Elle va documenter aussi tout ce qui est un peu l'héritage des anciens califats arabes. Elle se promène, elle passe par Jérusalem, elle passe par la Syrie. Après ça, elle va descendre en Arabie Saoudite. Elle va vraiment se promener partout. Tout cet héritage-là, qui est le monde arabe, qui est un peu inconnu, elle le documente et elle publie. Elle apprend l'arabe à travers tout ça. Et elle va donc pouvoir aussi traduire les contes et légendes qui viennent documenter un peu cette histoire-là. Une démarche scientifique au sens très large. Et parcourir ce territoire à cette époque-là, pour une femme, évidemment, ça sort aussi de l'ordinaire. Sa biographe, Marie-Josée Simpson, disait au tout début de l'émission, elle a quelque chose de téméraire, Gertrude Bell. On l'écoute à nouveau, Marie-Josée Simpson, à l'émission Le biographe et sa passion, en 1993. Elle était vraiment téméraire. Lorsqu'elle se promenait dans le désert, elle a été attaquée très, très souvent par des brigands, même par des voleurs qui voulaient simplement récupérer sa paire de jumelles, ses bijoux, son fusil. Alors, ce qu'elle faisait, elle suivait un peu les recommandations d'un grand explorateur de l'époque, Charles Doughty, qui était le premier à voyager en Arabie, Arabia Deserta. Arabie centrale. Donc, elle disait, oui, d'accord, prenez mon manteau de fourrure, prenez mes jumelles, et puis elle souriait, et puis elle attendait que les bandits partent. Alors, de temps en temps, lorsqu'elle était accompagnée par des hommes armés par des Arabes, ses amis, qui, eux, chassaient les brigands, à ce moment-là, elle était ravie, elle n'avait pas été obligée de donner sa paire de jumelles ou ses bijoux. Mais on avait l'impression qu'elle n'avait pas peur, et quand elle écrivait à sa famille pour raconter ses exploits, elle disait, oui, j'ai été attaquée par une bande de brigands, mais je n'ai pas eu peur. Elle était vraiment très, très téméraire. Donc, téméraire, Gertrude Bell, dit Marie-Josée Simpson, mais plus que ça, Évelyne Ferron, on l'a un petit peu évoqué, mais c'est pas rien. Elle réussit à parler droit dans les yeux à ces hommes qu'elle rencontre dans le désert. Mm-hmm. Comment fait-elle femme à cette époque, 19e, fin 19e, pour s'imposer, pour gagner le respect de ces hommes dans cette culture moyen-orientale? Elle a eu une approche que peu de Britanniques avaient, ou même d'Américains qui voyageaient dans ces régions-là pour l'archéologie, ou même les Allemands, c'est qu'elle a voulu comprendre les gens avant de s'imposer. Donc, Gertrude Bell, en passant par tout le périple qu'on a décrit tout à l'heure, apprend l'arabe et le pratique. Et c'est pour ça qu'elle s'enfonce aussi loin. Et à chaque fois qu'elle rencontre une tribu, elle leur parle dans leur langue. Mmh. Donc déjà, c'est un signe de respect, ça. Et elle est toujours habillée quand même comme une lady. Donc elle a elle a des grandes jupes et tout ça, mais elle est toujours habillée comme une dame. Elle a des tentes dans lesquelles elle amène avec elle son service de thé à porcelaine qui vient avec la lady, le cristal et tout ça. Elle reçoit ces gens-là dans sa tente avec son serviteur. Au milieu du désert. Donc elle a cette espèce de respect que le désert a aussi. Dans le désert, vous allez vous faire offrir du thé. Un thé à la menthe, des choses comme ça, c'est un signe d'hôte. Elle le faisait ça, d'un naturel, mais ça lui a donné cette chance. Et dans le désert, chez les populations arabes, une femme, on ne touche pas à ça. On n'attaque jamais une femme. Et c'est ce qui va lui donner une chance exceptionnelle. Donc, ça la protège énormément. Et quand on réalise qu'elle n'est pas idiote, au contraire, elle est très cultivée et qu'elle a un intérêt pour l'histoire de ces territoires-là, ça lui donne un avantage de plus. On aime moins qu'elle prenne des photos, par contre, mais même si elle s'est fait attaquer à quelques reprises, vraiment, tous ces aspects-là font en sorte qu'elle reçoit un surnom aussi en arabe. El Khatoun, la noble dame. Ouais. On l'a toujours appelée comme ça. Donc le respect. Oui, le respect. Ouais. Y a une contradiction formidable quand on s'attaque au personnage de Gertrude Bell. Elle a quelque chose, évidemment, de moderne. C'est une femme libre, mais elle n'est pas pour autant féministe. Bien au contraire, elle va même, écoutez ça, être présidente d'honneur du comité anti-suffragette à l'époque. On écoute Aline Apostolska relever cette contradiction à l'émission Entre ciel et terre en avril 1999. Il y a cette scissure dans la personnalité même de Gertrude Bell qui, d'un côté, paraît hyper féministe, qui est libre, qui est une femme absolument d'un caractère tout à fait unique, mais ça n'est valable que pour elle. Elle ne pense pas que la condition féminine soit avantageuse. Elle pense véritablement, d'ailleurs conformément à son éducation, à laquelle elle reste fidèle jusqu'au bout. Elle défend les valeurs patriarcales et victoriennes de sa classe. Et puis, elle aime beaucoup son père, qui l'aime beaucoup. Et donc, elle lui est fidèle aussi jusqu'au bout. Donc, ce qui est valable pour elle, Gertrude Bell, qui se considère comme l'égale des hommes, ne l'est pas pour les autres femmes. Elle annonce d'ailleurs officiellement que les femmes sont, le rôle des femmes est de faire des enfants et le rôle des hommes est de gouverner les pays. Elle considère également qu'elle a raté sa vie de femme, mais que néanmoins, elle a réussi sa vie d'homme d'une certaine manière. Comment, c'est quand même assez saisissant, cette apparente contradiction, comment expliquer cette contradiction entre ce que vit Gertrude Bell et ce qu'elle dit ou pense, Évelyne Ferron, là, sur la question des femmes? Il y a des nuances à apporter à ce qui a été dit aussi dans l'extrait. Elle n'est pas seule dans cette situation-là, à l'époque victorienne ou même plus tard. Il y a d'autres femmes, je vais nommer Alexandra David-Néel, qui étaient dans le même genre d'idées. C'est que ce sont des femmes éduquées. Ce sont les premières femmes qui ont eu accès à l'éducation et elles considèrent que pour pouvoir justement voter, il faut être éduquée. Donc, ce qu'elles veulent, c'est que les femmes aient accès à l'éducation. Et ça, on ne le mentionne pas, mais elles disent pour pouvoir voter, commencer par leur donner accès à l'éducation. Même si tous les hommes, éduqués ou pas, ont droit de vote. Voilà. Alors, je veux dire, elle n'est pas féministe du tout, mais en même temps, je trouve ça réducteur de dire qu'elle disait que la femme devait juste assumer, faire des enfants et tout ça. Elle s'est battue pour dire la femme aura le droit de vote quand elle aura l'éducation pour être capable de voter intelligemment. Donc, il y avait quand même une revendication pour la femme derrière qui n'a pas été mentionnée dans l'extrait. Mais c'est sûr qu'à l'époque, quand on est dans ces familles-là, surtout à l'époque de la reine Victoria, la famille, ça reste quelque chose de primordial. C'est sûr qu'en faisant le choix qu'elle a fait, elle a fait un choix qui était un peu hors norme pour l'époque, en s'en allant dans le désert comme ça et en cavalant. Et si elle avait peut-être trouvé l'homme de sa vie, peut-être qu'elle aurait fait des choix différents. C'est possible. Mais il faut quand même penser que... pour voter, elle voulait que les femmes aient au moins une base intellectuelle pour le faire. C'est une femme qui sera aussi, Gertrude Bell, espionne. Elle avait été contactée au début de la Première Guerre mondiale par le ministère, parce que, bon, on connaissait ses, elle avait des relations, bien sûr, mais on savait qu'elle parlait arabe couramment. Elle avait déjà voyagé, donc elle avait loué des liens avec des amis, avec des Arabes. Donc on a pensé qu'au Caire, elle pourrait être très utile en tant qu'espionne, enfin, intelligence service. Et au Caire, elle a retrouvé Lawrence, qui était là, Hogarth, qui était un archéologue et également un grand bonhomme. Et ils se sont rencontrés d'ailleurs au Grand Continental Hotel, qui était au Caire, là, le nid des espions. Et elle espérait toujours voir passer dans les couloirs Mata Hari. Ouais. Et d'ailleurs, Laurence la taquinait beaucoup sur sa ressemblance avec Mata Hari. Ouais. Mais bon, on plaisante un petit peu, mais c'est vrai qu'elle a joué quand même un rôle important parce qu'elle recueillait des renseignements et elle envoyait ses rapports à Londres. Et ils étaient très appréciés, non seulement pour leur acuité, intelligence, mais aussi pour son style. C'était une femme écrivain, il ne faut pas oublier qu'elle a écrit une demi-douzaine de livres. Donc ses rapports étaient lus avec gourmandise et intérêt, et ils étaient très, très, très utiles. À nouveau, Marie-Josée Simpson, au micro de Denise Bombardier en 1993. Pourquoi, Évelyne Ferron, recrute-t-on Gertrude Bell comme espionne? Elle a arpenté des secteurs, des déserts d'Arabie que personne n'avait arpenté. On est à l'époque de la Première Guerre mondiale, on veut détruire l'Empire ottoman, et on veut en fait retirer l'Empire ottoman de tout ce qui s'appelle, ce qui est aujourd'hui le Moyen-Orient, qui n'existe pas à l'époque. Les Britanniques, les Français, les Américains veulent le pétrole. Et donc, des explorateurs et des archéologues comme Gertrude Bell ou Lawrence d'Arabie connaissent très bien les lieux. Ça vous sont les points d'eau. Donc, si vous voulez planifier un coup ou une attaque, ça vous prend des points d'eau en plein désert. Ils savent très bien où est-ce que ça se trouve. Et ils sont capables de créer des alliances avec les populations parce que les Arabes sont essentiellement des tribus nomades, semi-nomades. Il faut qu'on sache où ils sont. Il faut qu'on puisse leur parler dans leur langue et leur faire comprendre pourquoi une alliance avec les Britanniques est importante. Elle avait tout ça entre les mains et on parlait de ses livres et tout ça, ce qui intéresse aussi un homme comme Churchill chez Gertrude Bell, qu'on va appeler, c'est la première femme à avoir ce titre-là, Major Bell, c'est qu'elle a une vision aussi ethnologique de la chose. Elle sait pourquoi les Arabes vivent de telle façon. Elle sait pourquoi ils vont se comporter de telle façon. Et ça, les Britanniques ont peu, des fois, d'ouverture par rapport à ça. Elle est ce pont, Lawrence d'Arabie aussi, entre les Britanniques et les cultures arabes. On va revenir à Lawrence d'Arabie dans un instant, mais sur le plan du renseignement, renseignement plus purement, est-ce que ce sera une bonne espionne? Quel genre d'espionne sera-t-elle? C'est une bonne espionne pour pouvoir justement identifier les lieux où les armées peuvent s'établir, se cacher ou piéger, en fait, l'Empire ottoman, parce qu'elle connaît le désert comme sa poche. Oui. Elle le connaît très, très bien. Je dirais qu'elle a peut-être été une moins bonne conseillère sur les frontières. On lui reproche d'ailleurs d'avoir peut-être manqué un peu de jugement sur où est-ce que les frontières entre les nouveaux pays qui seront créés, comme l'Irak, la Syrie, le Liban. On dit qu'elle a manqué de jugement, mais c'est sûr qu'elle ne pensait pas nécessairement de cette façon-là non plus. Elle a joué son rôle, mais c'était pas sa raison première d'être. Elle était là pour servir. Elle n'avait pas le choix. Elle a servi de lien avec l'Empire britannique et les cultures arabes. Et on va y revenir sur cette conférence de Caire en 1921. Elle y est, elle conseille Churchill. Elle va être, on la considère comme l'architecte au fond de l'Irak moderne qui va naître en 1921. On y vient dans un instant, mais un mot quand même. Marie-Josée Simpson en parlait également de Laurence d'Arabie. Quel genre de relations ils auront l'un et l'autre, Laurence d'Arabie et Gertrude Bell? Laurence d'Arabie est plus jeune qu'elle. Laurence d'Arabie a un peu un parcours qui peut ressembler au sien. Passer par l'histoire, va s'en aller dans ces régions-là par curiosité, ce sont des esprits curieux. Elle est un peu un mentor parce qu'elle est passée par là avant lui. Et donc, pour tout ce qui concerne le voyage dans le désert, comment y faire, comment entrer en contact avec les populations arabes, elle va lui servir souvent même de lien pour entrer en contact avec ces populations-là. Donc, ils sont une équipe, un mentorat. C'est pas une relation amoureuse, Laurence d'Arabie est gay. Ce qui est intéressant, c'est que Laurence d'Arabie va devenir l'outil militaire, d'une certaine façon, de l'armée britannique. Et Gertrude Bell va plutôt devenir justement l'ethnologue et la géographe de ces missions-là pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont chacun un rôle bien spécifique à jouer, mais ils se respectent. Et donc, une relation, je dirais, de mentorat entre les deux. Et puis, c'est complémentaire. D'ailleurs, les figures se ressemblent tellement que parfois, on appelle Gertrude Bell Gertrude d'Arabie. Oui, et ça, c'est un peu bizarre. Parce que c'est sûr qu'on a l'impression qu'ils étaient tout le temps ensemble, mais c'est vraiment pas le cas. Surtout pendant la Première Guerre mondiale, Laurence d'Arabie est vraiment loin dans le désert. Il est avec des tribus différentes. Gertrude, elle est plus sur le terrain, va faire des relevés géographiques. Et tu sais, ils ont pas tout à fait les mêmes tâches, en fait, à ce moment-là. Mais je dirais que ce qui est intéressant, peut-être, c'est que tous les deux ensemble, au final, on disait que Gertrude, oui, est l'architecte de l'Irak, mais tous les deux sont peut-être les grands créateurs de ce qu'est le Moyen-Orient. Alors, c'est quand même une équipe inséparable. Mr. Churchill, do you really want Lebanon for the British Empire? Who knows best about tribes? Lineages, affiliations, rivalries. Who knows best about Bedouin tribes? The woman, Gertrude Bell. Who the bloody hell is this, Gertrude Bell? Extrait de la bande-annonce du film Queen of the Desert, réalisé par Werner Herzog en 2015. Oui, c'est Evelyne Ferron que vous entendez, qui n'a pas beaucoup apprécié ce film. Non. On n'est pas là pour faire la critique cinématographique, artistique, culturelle du film. En fait, on entendait Winston Churchill, c'est pour ça que j'ai retenu quand même cet extrait. On entendait le personnage de Churchill dans cet extrait demander « Mais qui est donc cette Gertrude Bell? » Elle va être envoyée à Bagdad, Gertrude Bell, en 1917, comme secrétaire d'Orient. C'est un poste important. Très important. Churchill va vouloir qu'elle soit à la conférence de Caire en 1921. Quelle influence elle va avoir auprès de Churchill et quel rôle elle va jouer dans la définition de ce que sera, de ce que deviendra l'Irak? C'est un rôle hyper important parce qu'elle connaît les rivalités entre les tribus arabes et au départ, elle dit les Arabes sont tellement divisés que ça prendrait effectivement l'Angleterre pour bien gérer un pays en tant que tel. Elle se révise. Hein. Quand elle devient secrétaire, là, elle dit, oups, sa vision a changé parce qu'elle connaît mieux ces gens-là. Elle connaît le prince Faisal qui est celui que elle et Laurence d'Arabie voient comme roi d'Irak. Et elle va négocier avec Churchill en disant, OK, on va faire un pays qui s'appelle l'Irak. Ça va vous prendre par contre un roi. Si vous voulez que la population arabe négocie et travaille de concert avec l'Empire britannique, ils ont besoin d'un roi local qui respecte leur tradition mais qui sera allié de l'Angleterre. N'imposez pas votre culture directement, ce qui était supposé être le cas. Et Churchill va avoir cette, je dirais, qualité d'esprit de l'écouter. Et c'est ce qui explique que finalement, c'est Faisal qui arrive sur le trône après la Première Guerre mondiale et qui va réunir un petit peu toutes les tribus qui étaient en grande rivalité, là, les pro-ottomans, anti-ottomans. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans le désert à ce moment-là. Des rivalité qui est remonté au califat arabe du Moyen-Âge aussi. Elle a donc ce rôle-là, c'est pour ça qu'il va la chercher. Et elle l'installe à Bagdad parce que ça prend quelqu'un qui est capable de faire toujours ce pont. Elle est un pont entre la culture britannique et ce qu'on attend des Arabes du côté de l'Angleterre parce qu'on les a libérés des Ottomans. Mais elle est aussi là pour dire à l'Empire britannique, si vous faites ça, ça c'est un affront. Si vous faites ça, ça passera pas. Ouais. Elle est essentielle. Elle est la seule à faire, à connaître ça. Là. Et elle reste à Bagdad, de fait, comme conseillère. Elle devient conseillère après la création en 1921 de l'Irak moderne. Elle sera conseillère du prince Faisal. Oui. Certains historiens, Evelyne Ferron, parlent d'une relation qu'elle aurait eue, relation amoureuse avec le prince Faisal. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la nature de leur relation? Les lettres les plus récentes qu'on a découvertes, maintenant, à peu près toutes ces archives sont à la bibliothèque de l'Université de Newcastle, si jamais ça vous intéresse, montrent en fait qu'il la considère comme une femme très importante. Déjà, dans les cultures arabes, qu'une femme ait cette position-là auprès d'un prince et d'un roi, c'est assez rare. Et elle est toujours là, dans son entourage, elle le conseille constamment. Et par les lettres, on sait qu'il y a une profonde affection des deux côtés. Les mots choisis laissent vraiment comprendre qu'il y a une très belle relation. Ont-ils ou non couché ensemble? Ben là, ça, on n'était pas là, on le sait pas. Ouais. Alors, il y a toujours débat à savoir si Gertrude Bell a donné ou non son corps au prince Faisal. Ça, on ne le sait pas, mais on sait que l'affection mutuelle était très grande. Et c'est probablement cette relation-là qui explique qu'elle a décidé de rester à Bagdad jusqu'à sa mort et qu'elle a eu une deuxième carrière ensuite à Bagdad. Ouais. Elle est restée dans l'entourage du prince Faisal jusqu'à la fin. Donc. Et elle va, pendant qu'elle est auprès du prince Faisal à Bagdad, avoir cette idée et créer le musée de Bagdad. Mm-hmm. Pourquoi c'est important pour elle? Bien, elle a tellement voyagé dans le désert et comme je vous disais au début, elle est tellement consciente de la richesse de la Mésopotamie. Elle sait que c'est dans les plus anciennes civilisations. Elle est très consciente de ce qui se trouve là et elle voit toutes ces tribus qui n'ont pas nécessairement une culture historique très, très grande. C'est pas important pour eux. Et elle veut leur donner un héritage et c'est pour ça qu'elle fonde le musée de Bagdad, mais elle fait pas juste ça. Faisal la nomme secrétaire des antiquités irakiennes. Alors, toutes les équipes archéologiques qui vont commencer à arriver après la Première Guerre mondiale d'Allemagne, d'Angleterre, des États-Unis sont sous sa supervision et elle s'assure que plus de la moitié des objets trouvés restent sur le sol irakien et s'en vont au musée de Bagdad. Le trésor royal d'Ur, qui était un trésor des Sumériens qui ont inventé l'écriture, il y a une grande partie de ce trésor-là qui n'est pas allée au British Museum, qui est allée au musée d'Irak parce qu'elle a dit « Wow, vous partez pas avec tous les objets, ça appartient aux Irakiens, ça. » Alors, elle avait vraiment une volonté de leur donner leur histoire, de leur faire voir « Regardez ce que vous êtes et ce que vous avez été et d'où vous venez. » Et ça, c'était tout nouveau dans un pays comme ça. Et le musée de Bagdad a une collection qui a été amochée malheureusement à partir de 2003 quand les Américains sont arrivés avec la guerre en Irak, malheureusement. Mais elle a créé une collection qui est exceptionnelle et unique au monde. Je veux dire, il n'y avait rien de semblable dans un musée comme ça. Ce sont les plus anciens artefacts des civilisations de l'humanité. C'est énorme. Elle meurt en 26 dans des circonstances tragiques. Elle se suicide. Ben, c'est une surdose de barbiturique somnifère. Donc, généralement, on peut supposer que oui, ça pourrait être un suicide. Est-ce qu'elle réalise qu'elle a effectivement gâché sa vie? Dans ses lettres, on a l'impression justement que là, son rôle militaire, son rôle scientifique s'en va. Elle sent qu'elle n'a plus les mêmes forces physiques, que sa tête n'est pas tout à fait là. Est-ce qu'elle souffrait de dépression? D'après les lettres, ce serait une possibilité. Alors, on n'exclut pas que ce soit un suicide, comme ce pourrait être accidentel aussi. Peut-être qu'elle avait le cœur plus faible. Il n'y a pas d'autopsie qui a été vraiment réalisée là, complète sur le corps de Gertrude Bell, qui a par contre été inhumée à Bagdad, pas très loin du musée de Bagdad, qui était un peu l'honneur que les Irakiens lui ont réservé. Et encore aujourd'hui, quand on parle du musée de Bagdad ou d'histoire irakienne aux Irakiens, ils parlent toujours de Gertrude Bell. Elle Khatoun, elle est partout, là. Toujours, toujours, toujours. Evelyne Ferron, historienne et amie de l'émission, merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.